Mon père, le forgeron, l'ébéniste et le bâtisseur de Saint-Séverin. Mon père, né en 1906, a vécu les deux grands incendies de Saint-Séverin, celui de 1921 et celui de 1944. Lors du premier, il avait 15 ans, assez vieux pour aider à la chaîne, pour courir avec des seaux d'eau ou pour aider ceux qui avaient perdu leur maison. 8 maisons ont brûlé, dont celle d'Irénée Jacob. Il a sûrement dû participer pour la reconstruction des maisons détruites, en donnant ce qu'il pouvait, et surtout la volonté d'apprendre de tous les vieux artisans qui avaient beaucoup d'expérience pour tous les travaux à faire. Il devait apprendre comme moi j'ai tout appris en regardant faire les autres. En fait, j'étais comme un petit singe qui copie ce que le vieux singe fait. Et puis, lors du deuxième incendie en 1944, mon père avait 38 ans, et c'est encore Irénée qui fut touchée. 18 maisons rasées au sol. Je n'ai aucun doute que mon père a aidé comme il l'avait fait jeune. Il avait déjà sa propre famille. Ce que je sais, c'est que les Jacob ont été là, au milieu des flammes, des cendres, puis des bras ouverts du village. Saint-Séverin, ce n'était pas qu'un lieu, c'était un cœur collectif. Et dans ce cœur, notre nom y battait avec tous les autres. Bordelot, Champagne, Trépanier, Gendron, les Désis et nous. Les Jacob bien vivants, bien présents. J'ai grandi dans une maison construite par mon père, dans les années 1930, dans un petit village du Québec. On était 17 à y vivre, mes parents et leurs 15 enfants. Une vraie colonie. Au début, la maison était couverte de bardeaux de cèdre. Mais dans notre village, il y avait eu deux grands incendies. Le premier avait ravagé des maisons, des granges, des familles entières. Et le deuxième, quelques années plus tard, avait renforcé une peur, celle du feu. Alors, pour éviter le pire, mon père a recouvert la maison de plaques d'amiante. C'était un revêtement ignifuge qui ne brûlait pas. On pensait bien faire. On voulait protéger les enfants. Mais on ne savait pas que ces plaques, en vieillissant, libéraient des poussières toxiques. Et aujourd'hui, quand je regarde les noms et les visages. Mon père d'abord a 56 ans, et 2 sur 3 de ma fratrie sont morts d'un cancer. Pas une coïncidence, pas une malédiction. Peut-être simplement la conséquence d'avoir grandi dans une maison qui voulait nous protéger, mais qui nous a lentement empoisonnés. Et ce n'est pas tout. Dans ces années-là, à l'intérieur aussi, on utilisait ce qu'on croyait être le progrès, le DDT. On en vaporisait partout dans la maison pour tuer les bibites, sur les matelas, dans les armoires, sous les lits. On respirait ça tous les jours, ça sentait fort. C'était efficace, c'était du poison. Et nous, les enfants, les bébés, les femmes enceintes, on vivait là-dedans. Aujourd'hui, je suis un des derniers de cette grande famille encore vivant. Et je me demande, est-ce que ces morts, ces cancers, cette hécatombe familiale étaient évitables? Comment blâmer mon père et tous ceux qui ont cru à ces nouveaux produits? Les dangers concernant l'amiante n'étaient pas moins dommageables dans le temps que l'amiante d'aujourd'hui. 60 ans plus tard, la maison est toujours recouverte de 2 types d'amiante. Je ne cherche pas à accuser, mais je refuse de croire que c'est juste le hasard. Le feu ne nous a pas pris, mais ce qui était censé nous en protéger a peut-être bien fini par nous rattraper. Dans les années 40 à 60, à Saint-Séverin, mon père était bien plus qu'un simple artisan. Il était le bâtisseur du village, l'homme à tout faire. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, on écoutait. Notre père n'élevait jamais la voix, c'était nous qu'au contraire haussait le ton, car il était un peu sourd à cause d'un accident subi dans les chantiers. Quand notre mère nous disait « va demander à ton père », c'était toujours gênant d'avoir à lui parler fort. Il m'a appris à me servir de mes mains, mais aussi de ma tête. Il m'a appris que si tu veux quelque chose qui n'existe pas, tu peux le fabriquer. Un jour, en l'accompagnant à Saint-Casimir dans sa nouvelle Chevrolet 57, il allait acheter une nouvelle machine. Il m'a dit « tu n'achètes jamais de la mauvaise qualité. Tu attends d'avoir ton argent et tu achètes toujours la meilleure. » J'avais 10 ans. C'est un conseil que j'ai toujours appliqué dans ma vie en ce qui concerne la qualité, mais d'attendre d'avoir mon argent pour l'acheter. Ce n'est pas tout à fait mon genre. Merci mon père pour le premier conseil. Dans son atelier, il fabriquait des gros traîneaux rouges pour le transport du bois. Pas seulement des petits jouets, mais des véritables grandeur nature. Il fabriquait des vrais traîneaux d'hommes traînés par les chevaux, fabriqués pour le transport des billots de bois ou même des enfants gelés accrochés derrière en douce. Il en a fait des centaines, tous à la main, avec du bois franc, de l'érable, du frêne, du bouleau. Du solide, du fiable. Il les peignait en rouge vif. Je me souviens d'avoir participé avec mon pinceau en le trempant dans un galon de peinture. Ce rouge-là, on le voyait de loin sur la neige blanche, comme un drapeau d'hiver. Quand un de ces traîneaux passait dans la rue, on savait tout de suite d'où il venait. C'était la signature de mon père. Ils étaient toujours faits en deux parties, pour mieux virer dans les courbes et suivre les chevaux sans se coincer. Le devant pivotait, l'arrière suivait en douceur. Mon père avait aussi conçu une plateforme en bois qu'on installait dessus pour transporter tout ce qu'on voulait. Moulets, ballots de foin, chaudières de lait, madriers, ou même des enfants pour les rapprocher de l'école. On mettait des couvertures et on s'assoyait sur un banc en bois pour la promenade. C'était notre camion d'hiver, notre moyen de transport, notre outil de travail. Les chevaux connaissaient le chemin. Quelquefois, on pouvait tenir les guides et regarder le paysage passer. On croyait diriger le cheval, mais on en était loin. Il savait très bien où il s'en allait. Lui connaissait bien la route à suivre. Il n'avait besoin d'aucune aide pour aller là où il fallait aller. Il laissait tomber quelquefois du crottin bien frais et fumant encore. Ça embaumait l'air dans un tourbillon d'odeurs derrière lui. Quelques bonnes respirations à plein poumon, et c'était un antigrippal. Une sorte de désinfectant naturel. Si le crottin avait le temps de congeler avant l'arrivée des écoliers, là il devenait dur comme de la roche et se métamorphosait en une belle pomme de route, presque ronde. Alors leur vie était un peu prolongée jusque dans la cour du couvent, du presbytère ou dans la cour du collège. Mais beaucoup mal gelés ne se rendaient pas très loin, suite à un lancer frappé. C'était à quelques pas tout au plus. Nous nous faisions des passes avec nos pieds ou avec nos hoquets. Les plus chanceuses et les plus rondes nous accompagnaient à l'école et les moins amochées étaient mises de côté à l'ombre d'un mur du collège pour le retour à la maison. Le traîneau craquait derrière le cheval, la neige chantait sous les patins, et moi j'apprenais en silence. Et les enfants, on se jetait derrière dès qu'on pouvait. On s'accrochait au dernier patin. On se laissait traîner dans la neige gelée, les mitaines pleines de glace, mais le cœur heureux. Ces traîneaux rouges, c'était l'hiver à l'état pur, fait de bois, de métal, de sueur. Et de la fierté d'un artisan qui connaissait son métier. Chaque nouveau traîneau vendu était récupéré devant la boutique avec un cheval. C'était toujours notre plaisir d'aller lui flatter le museau en lui donnant une carotte ou un restant de pomme. Un seau d'eau que le cheval buvait sans s'arrêter avant que la chaudière ne soit vide. Aussi mon père nous envoyait porter une portion de blé au cheval. Je me souviens d'avoir vu charger environ une douzaine de traîneaux dans une boîte de camion. Comme ils se séparaient facilement en deux parties et qu'elles étaient presque identiques, ils étaient posés debout dans toute la longueur de la boîte du camion. Ceux-là s'en allaient directement dans les chantiers forestiers pour la longue saison. Ma mère m'a déjà raconté, les yeux pleins de souvenirs. Ton père avec les crochets à pitounes et les traîneaux qu'il a fabriqués dans sa boutique. Ça a servi peut-être à élever au moins 4 ou 5 enfants, si c'est pas plus. C'est pas une blague ni une image poétique. Dans son atelier, il en a forgé des milliers de ces crochets-là. Tous les bûcherons devaient en avoir un en main. C'était une extension du bras avec un pic qui entrait dans le bois pour faciliter la manutention. Pas besoin de se servir de ses deux mains. De même pour les traîneaux servant au transport des billots dans les chantiers forestiers. Chaque trio de bûcherons devait en avoir un pour le transport du bois. Mon père, ce n'était pas seulement un assembleur de morceaux. Il fabriquait tout de A à Z. Il découpait lui-même tout le bois franc, du frêne, de l'érable, du bouleau, pour faire les patins, les traverses, les appuis. Il le séchait au bon moment, le travaillait avec soin, à la main, sans plan, juste avec son instinct. Sur un pan de mur dans la boutique, il y avait plusieurs gabarits pour tracer les pièces à l'identique. Il voulait que ça glisse bien, que ça tienne et surtout que ça dure. Mais ce n'était pas tout. Tout le métal aussi, il le forgeait lui-même. Les braquettes, les supports, les longues ferrures de métal en dessous des patins que l'on appelait des lisses. Il les fabriquait dans sa forge, à coups de marteau sur l'enclume, le fer rouge, le geste sûr. Les étincelles volaient, la forge grondait, et lui, il savait exactement quand frapper. Parmi les objets que mon père fabriquait dans sa boutique, il y avait les mémoires. Peu de gens, aujourd'hui, savent à quoi ça servait. Et pourtant, c'était indispensable dans le temps des chevaux. Les mémoires, c'étaient ces pièces de bois solide qu'on fixait de chaque côté du cheval pour tirer un traîneau ou une voiture. Elles reliaient le harnais à la charge. C'était le lien entre la force de l'animal et le véhicule. Il fallait les tailler parfaitement, bien les ajuster, les rendre solides, mais souples juste assez pour suivre les mouvements de la bête sans casser. Mon père les fabriquait lui-même dans sa boutique. Il choisissait le bon bois, souvent du frêne ou du bois franc, puis il ajoutait ses propres pièces de métal, forgées sur place dans son coin de forge. Chaque mémoire portait sa marque, la précision, la robustesse et le souci du détail. Dans tout le village, on savait que les mémoires de mon père, une fois installées, tiendraient bon. Même dans les pires montées glacées ou les froids de janvier, elles ne lâchaient pas. Et chaque pièce, chaque traîneau rouge qui sortait de là, c'était du vrai travail d'homme, du vrai savoir-faire, comme on n'en voit plus aujourd'hui. Ces traîneaux, c'était l'hiver à l'état pur, fait de bois, de métal, de sueur, et de la fierté d'un artisan qui connaissait son métier. Mon père était un fournisseur pour ses équipements. Ses meilleurs clients étaient des contracteurs dans les chantiers, que l'on appelait aussi des jobbeurs. Il les fabriquait à la main, à un. Du bon acier chauffé au rouge, martelé avec soin, ajusté pour la main du gars qui allait s'en servir. Chaque crochet partait vers un chantier, une cour à bois, un moulin assis, dans les fermes, presque dans toutes les maisons. Il y en avait partout. Certains qui faisaient du bois de chauffage, comme Camille Trudel, qui bûchait et fendait quelques centaines de cordes de bois de chauffage à chaque année, avaient toujours un crochet dans chaque main pour corder le bois. Les bras allaient alternativement, gauche-droite, gauche-droite, sans jamais avoir besoin de toucher un morceau de bois avec les mains. Et mon père, chaque fois qu'il en vendait un, ça mettait du pain sur la table ou des bas de laine aux enfants. C'était pas gros, le prix d'un crochet, mais c'était constant, puis ça venait du cœur et des bras. Aujourd'hui, il ne s'en fait plus par des artisans. J'en possède encore un identique à ceux que mon père fabriquait. Peut-être que c'est lui qui l'a fait. Un cadeau reçu par l'un de mes frères, je ne sais pas. Quand je pense à ces crochets à pitoune, je ne pense pas juste aux manches en bois et au métal forgé. Je pense à la sueur de mon père, à son savoir, à son ingéniosité, au contrôle de ses gestes et ses mains, puis à cette phrase de ma mère qui me revient comme une bénédiction simple. Il a élevé peut-être 4 ou 5 enfants avec ça. J'aidais mon père à la forge en tournant la manivelle du soufflet pour nourrir le feu en oxygène. J'écoutais les sons. Le grincement de la manivelle, le souffle du feu, et surtout les 2 petits coups sur l'enclume avant d'attaquer le fer chaud, comme un avertissement que le fer était rouge et prêt à être forgé. Et un dernier petit coup à vide sur l'enclume, pour indiquer que c'était terminé pour cette fois. Le métal retournait dans le charbon rouge de nouveau. C'était une musique, un langage de travail et de respect. Puis un jour, mon père installa un moteur électrique. La manivelle s'arrêta et moi, j'ai perdu ma place. Ce jour-là, j'ai compris que même les traditions les plus solides finissent par se transformer. Mon père savait tout, on venait le voir pour toutes sortes de choses. Fabriquer des grosses boîtes de camions en bois, ferrer un cheval, fabriquer des fers pour les chevaux avec la forge, et les sons du marteau et de l'enclume qui résonnent encore dans ma tête. Je me souviens que pendant les vacances d'été et pendant la période des fêtes de Noël, et tous les samedis, je passais mes journées à tourner autour de lui, pas dans sa boutique, comme un petit chien fidèle qui attend qu'on lui lance un os. Ou une clé pour enfin serrer quelques écrous. Il travaillait fort à fabriquer des ridelles. C'était une grosse boîte de bois massif qu'on boulonnait sur le châssis d'un camion neuf, qui servait pour le transport du bois. Mon père était le fournisseur attitré pour le moulin assis de Gérard Crête. C'était pas une caisse ordinaire, non. C'était du solide, du robuste, du fait pour durer. Et moi, j'avais les 2 yeux rivés sur ses mains, sur ses gestes, sur tout ce qu'il savait. Un matin, il m'a dit « Va me chercher la perceuse et prends la boîte de mèche. » j'ai couru comme si j'avais le feu aux fesses. Il a placé une grosse planche sur le tréteau, s'est accroupi à côté, et m'a dit calmement. Avec sa règle à mesurer dépliable en bois, qu'il gardait toujours dans la poche droite de sa salopette. Il m'a fait mesurer, et avec son gros crayon plat et large, il m'a dit « Fais deux lignes, regarde ici. On va percer deux trous à 3 pouces du bord. Tiens la perceuse droite et appuie fort, mais pas trop. » Je n'avais jamais percé un trou tout seul. Je tremblais un peu, mais il tenait la planche et il me regardait. Juste ça, ça m'a donné confiance. J'ai appuyé, la mèche a mordu le bois, et j'ai senti la vibration passer dans mes bras. Le bruit, la poussière, l'odeur du bois chauffé par le métal. J'étais en train de faire quelque chose de vrai. Avec le recul, je devais être en transe, je pense. Puis il m'a tendu un boulon. Tiens, passe-le dans le trou. L'écrou est là, dans la boîte de conserve. Visse-le à la main, j'ai vissé. Mes doigts glissaient un peu sur le métal, mais j'y suis arrivé. Il a sorti sa clé, a donné un bon coup pour serrer. Puis, il m'a regardé avec ce petit sourire discret qu'il faisait quand il était fier, sans le dire. On en a fait d'autres après, 10. Je perçais les trous et je vissais le boulon et l'écrou. Il ne me parlait pas. Il me laissait faire. C'est là que j'ai compris que j'étais en train de gagner quelque chose. Pas juste des tâches de travail, mais sa confiance. Il m'avait montré aussi comment tracer une marque avec le crayon. Toujours à la même distance du bord d'une planche à l'aide d'un trusquin. Une sorte de petit équerre en bois avec une partie ajustable. Je venais d'apprendre la même activité. En moins de 15 à 20 minutes, comment mesurer avec une règle en bois et marquer avec un crayon ou percer les trous exactement à la bonne place. Et comment utiliser un trusquin. Puis faire un trou avec la perceuse électrique et assembler les écrous avec les boulons. J'étais parti dans le bricolage. Ce que je venais d'apprendre, c'était pour toute la vie. Plus rien ne pouvait plus être différent à partir de là pour faire le même travail. Cette journée-là, j'étais plus le petit gars qui traîne dans ses jambes. J'étais devenu un apprenti. Et dans ma tête d'enfant, c'était le début de quelque chose de grand. Le bois, les boulons, les écrous, les trous bien droits. C'était pas juste du travail. C'était mon premier pas dans le monde des hommes. Il y en a eu d'autres, des journées comme ça. Un peu plus tard, mon père m'a laissé utiliser la scie circulaire. Toujours sous sa supervision, bien sûr. Il m'avait montré comment bien soutenir la planche, de la main gauche, fermement. Comment attendre que la lame soit à pleine vitesse. Et surtout, comment ne jamais pousser trop sur la scie. Laisse-la faire son travail. Ce n'est pas une course. Il avait cette façon calme de m'enseigner. Il ne criait jamais. Il montrait, il attendait, il corrigeait avec les yeux. Et quand je faisais bien, il hochait la tête sans dire un mot. Mais je savais, j'avais réussi. Un jour, on a monté tout un côté de boîte de camion ensemble. Il me laissait mesurer, couper, percer, poser les boulons. Il vérifiait après, mais il ne touchait plus à mes erreurs. Il voulait que j'apprenne à les voir, à les corriger moi-même. J'avais l'impression de tenir un rôle important. Et ce sentiment-là, il ne m'a jamais quitté. À la maison, mes deux frères les plus âgés avaient quitté pour travailler à Montréal. Mon frère, qui avait 1 an et quelques mois de plus que moi, avait un problème de vision et j'étais le seul garçon qui pouvait vraiment aller dans la boutique sans trop de danger. Je suis à peu près certain que si mon père n'était pas décédé, j'aurais pu être la relève. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Assez curieusement, tous mes frères et dans la famille élargie, je suis le seul à avoir choisi de travailler avec le métal. Ce que je voulais faire demandait de connaître le travail du fer. C'est dans ces journées de travail, le bois dans les mains, la poussière dans le nez, le soleil sur les épaules, que j'ai appris le respect du matériel, du temps bien investi et de la fierté du travail bien fait. Mon père n'avait peut-être pas de diplôme, mais il était professeur dans l'âme. Et moi, j'étais son élève le plus attentif. Ces moments-là sont gravés en moi comme des marques au canif dans une poutre. Rien ne les effacera. Mon père ne faisait pas que des boîtes de camions. Il fabriquait aussi beaucoup de fenêtres à carreaux, à la main, une à une. Il fabriquait des cadres de fenêtres ou des portes en bois de pin et en construisait aussi de nouveaux en bois franc bien sec, puis les divisait en petits carreaux selon les dimensions voulues. Il coupait les vitres lui-même avec son coupe-verre et son œil de lynx. Il savait exactement où faire pression, dans quel angle, pour que le verre se casse droit. Je me souviens qu'il m'avait expliqué que quand on coupe du verre, il faut absolument appliquer de l'huile dessus. Avant de couper, car avec la chaleur causée par le diamant, le matériel se ressoude tout de suite derrière le passage du couteau, à moins qu'il y ait de l'huile qui empêche la soudure du matériel coupé. Moi, je le regardais, j'étais fasciné. Et un jour, il m'a dit « tu pourras le faire toi aussi ». Et je n'ai jamais hésité de couper du verre quand j'avais besoin de le faire. J'ai même fabriqué une machine dans les années 2000 qui servait à couper du verre de 1,5 pouce d'épaisseur par différentes largeurs et hauteurs de 6 pouces à 8 pouces. C'était pour faire des trophées pour Innovar Design à Montréal Nord. J'ai conçu et fabriqué des machines qui cassaient les pièces de verre, exactement identiques de l'une à l'autre, jusqu'à 2000 pièces par jour. Ce client un peu crétin sur les bords faisait un chiffre d'affaires de 200 000 $ quand je l'ai connu. 2 ans plus tard, son chiffre d'affaires était de 1 200 000, dont 200 000 de profit. Et parce que ses employés n'étaient pas capables d'opérer les machines correctement, il me menaçait de me poursuivre en cour. Il me devait 16 000 $ et je lui raccrochais la ligne au nez. Je ne voulais plus faire affaire avec lui, quitte à perdre de l'argent. J'ai tout laissé tomber grâce un peu à lui. Adieu veaux, vaches et crétins. Pour appliquer le mastic pour isoler les fenêtres, mon père me montrait comment bien le mélanger. Il fallait le pétrir longtemps dans les mains pour qu'il devienne souple et collant à souhait. C'était froid, gras, un peu collant sous les ongles, mais il disait que c'était bon pour faire les muscles. Quand le mastic était devenu trop sec, on le mélangeait avec un peu d'huile de lin. On roulait de fins boudins entre nos mains, qu'on appliquait tout autour du carreau. Ensuite, il fallait appuyer doucement la vitre dans son cadre, et l'on venait fixer le tout avec des petits clous en triangle, les pointes à vitrage, qu'on plantait du bout des doigts. Puis une dernière couche de mastic par-dessus, lissée avec un couteau à mastiquer. Il nous montrait comment faire les coins bien droits, comment lisser sans faire de bosse. C'était tout un art. Jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, j'ai pu apprendre et l'aider un peu dans sa boutique. Malheureusement, mon père est devenu malade d'un cancer du pancréas. Il est décédé quand j'avais 14 ans et demi. Il avait seulement 56 ans. J'aurais beaucoup aimé le connaître plus longtemps. Un autre souvenir m'est revenu. En écrivant, tout me revient. En fait, mon côté patenteux me vient de lui. Quand j'avais 8 ou 10 ans, je ne savais pas encore, mais j'avais une mémoire visuelle d'une précision redoutable. Je voyais quelque chose une seule fois, une poignée de porte, une serrure, un engrenage, une charpente, un outil, et mon cerveau l'enregistrait comme une photo. Je savais dorénavant comment c'était à l'intérieur des objets que j'avais eu l'occasion de démonter. Je pouvais le revoir plus tard, dans ma tête, comme si je l'avais encore devant moi. Pas besoin de le dessiner, je le voyais déjà. Je savais comment ça fonctionnait. C'était là intact dans mon esprit. Mais je n'étais pas seulement un observateur. J'étais un véritable démonteur obsessif. J'avais déjà mon propre toc personnel. Je voulais voir ce qu'il y avait à l'intérieur de tout. Une sorte maniaque en série de la mécanique. Tout ce que je pouvais trouver qui avait rapport au métal et à la mécanique, dans la dump, la cour à scrap, dans les vidanges, je le démontais très facilement. Mais le remonter, c'était une autre histoire. J'avais vu ce que je voulais voir, l'intérieur des choses. La suite m'importait peu. Au suivant, les vieux cadrans dans les autos, tous différents, de toutes sortes, celui pour l'essence. Comment savait-il que le réservoir était plein ou vide? Et pourquoi et comment la lumière à l'huile s'allume? Les fermetures de portes d'auto qui fonctionnaient bien une fois sur deux. J'avais dans mon sac à dos les outils nécessaires pour réparer une porte de toilette à l'école qui n'avait pas de barrure ou une penture de dévisser, quelques tournevis et 1 ou 2 paires de pinces. Je démontais les radios à tubes, les tourne-disques, les serrures, les phonographes, les poignées de porte, les moteurs d'essuie-glace, etc. Je voulais voir l'intérieur, comprendre comment c'était fait, comment ça tournait, comment ça fonctionnait, comment ça s'arrêtait. C'était plus fort que moi, il fallait que je comprenne. Je n'avais pas besoin de manuel ni de professeur. Mon professeur, c'était la mécanique elle-même. J'étais aussi le réparateur des vélos de mes amis. Grâce un peu à mon talent et aussi aux outils disponibles dans la boutique de mon père. Les vieilles voitures abandonnées devenaient pour moi des trésors. Je passais des heures à explorer leurs tableaux de bord, à dévisser leurs cadrans, à analyser leur système. Plus tard, quand j'allais aussi dans les usines, je regardais tout et c'était comme si j'avais une caméra dans la tête. Je n'avais pas besoin de prendre des notes. En sortant de là, je savais ce que j'avais vu. J'aurais pu tout redessiner, pièce par pièce, si j'avais su le faire. Mais je n'en avais même pas besoin. Ma mémoire faisait le travail. Je crois que c'est cette mémoire-là, cette caméra intérieure combinée à ma curiosité obsessionnelle, qui est devenue la fondation de ma vie de bâtisseur. J'ai toujours su recréer ce que j'avais vu une fois, ou même imaginer ce que je n'avais encore jamais vu, en m'appuyant sur tout ce que j'avais emmagasiné dans ma tête depuis l'enfance. Une espèce de bibliothèque vivante en photo, pleine de mécanismes, de mouvements, de solutions. Je n'ai jamais appris le dessin comme les ingénieurs, mais dans ma tête, les plans étaient clairs. Il ne me restait qu'à couper, souder, percer et assembler. Ma mémoire était mon crayon, et mes mains le prolongement de mon regard d'enfant. Aujourd'hui encore, à 77 ans, je me souviens avec tendresse de ce petit gars de 10 ans qui voulait tout comprendre. C'est lui qui m'a donné la vie que j'ai eue, dans les années 1960, particulièrement en 1963 et en 1964. J'ai travaillé pour le contracteur Raymond Lefebvre pendant l'été. On utilisait un outil manuel à deux mains pour écorcer les piquets de cèdre. Cet outil, appelé écorceur ou couteau à tirer, permettait de retirer rapidement l'écorce sur toute la longueur du piquet. On plaçait le piquet sur deux tréteaux ou à même le sol. Puis, en tenant l'outil avec les deux mains, on tirait fermement vers soi pour détacher l'écorce. Le geste était répétitif, physique, et exigeait de la force ainsi qu'une certaine technique pour ne pas entailler le bois sous l'écorce. Nous étions payés 5 cents par piquet. Cette méthode était utilisée dans les milieux ruraux comme Saint-Séverin, où l'on préparait manuellement de grandes quantités de piquets destinés aux clôtures agricoles. À l'été 1964, j'ai travaillé à l'intérieur du moulin à scie de Gérard Crête. Je travaillais à la sortie d'un convoyeur pour faire le tri et le classement des planches et des madriers, et à les empiler sur de grosses et très hautes piles pour les laisser sécher à l'air libre. Toujours avec de l'espace entre chaque rangée à l'aide de plus petits morceaux pour faciliter la circulation de l'air. La très grande scie ronde, elle se faisait entendre du matin au soir, avec un arrêt de 30 minutes le midi. J'avais très peur de m'en approcher de celle-là. Je l'entendais travailler toute la nuit, même si elle était en arrêt depuis la fin de l'après-midi. Quelquefois dans un cauchemar, je voyais une main ou un bras coupé, et pire parfois, une jambe. Je vous raconte un plus beau souvenir qui m'est revenu hier au sujet des chevaux. En face de chez nous, il y avait une écurie qui appartenait à un contracteur dans les chantiers de bûcherons, Monsieur Midas Mongrain. Au printemps, à la fin des chantiers, l'écurie se remplissait de chevaux. Celui qui s'en occupait s'appelait Alonso Mongrain, c'était le fils. Il était très dur avec les animaux, il jurait sans arrêt après eux. Il était le meilleur professeur de jurons du village, je vous le jure. Peut-être que c'était dû à la fatigue accumulée depuis l'automne dernier. Et peut-être aussi que les chevaux n'étaient pas très heureux de retrouver leur écurie. Ils étaient libres et en vacances dans la forêt, à travailler du matin au soir depuis l'automne dernier. Voilà le beau temps arrivé, et ils piétinaient dans la pénombre, à l'intérieur de l'écurie, en regardant dans la toute petite fenêtre, et parfois rongeaient le bois d'ennui au bas du châssis. Les chevaux des chantiers, c'étaient pas des poneys de fête foraine. C'étaient des bêtes solides, musclées comme des locomotives, puis fidèles comme des vieux amis. Dans les camps forestiers, ils étaient traités comme des rois. Ils étaient traités comme des rois, mais souvent jusqu'à l'épuisement total. Tous ne revenaient pas des chantiers. Un cheval est beaucoup plus fort qu'un homme, mais moins résistant. Sans eux, pas de bois tiré, pas de camp ravitaillé, puis pas de paye à la fin du mois. Chaque matin, les chevaux étaient attelés à leur traîneau. Certains devaient sûrement provenir de la boutique de mon père. Ils s'en allaient dans le bois tirer des charges de billots aussi grosses qu'une cabane à sucre. Ils reculaient dans les sentiers étroits sans broncher, avec un calme de moine bouddhiste. Même quand les gars chialaient, les chevaux, eux, tiraient sans poser de questions. Le forgeron près de l'église, Jean-Marie Veillette, n'était jamais en vacances. Il y avait également une autre atelier de menuiserie en face du collège, celle de Primatifo. Mais c'était dans l'atelier de mon père que les deux métiers étaient réunis, où le bois se mariait avec fer. Les vieux et les jeunes aimaient bien visiter ces endroits. On y allait pour placoter, rire, fumer, puis sentir le bois ou le fer chaud. Les écuries étaient pleines de paille, de vapeur et de bruit. Le tabac et moi, ma relation avec le tabac ne date pas d'hier. J'avais déjà fumé ma première cigarette à l'âge de 8 ans. Et chez nous, les fins de semaine, quand j'avais 10 ou 12 ans, mes sœurs et mes beaux-frères apportaient leur tabac en vrac à la maison. Moi, j'étendais ça sur la table de la cuisine. J'utilisais un long papier pour rouler 5 cigarettes à la fois. La même machine coupait les 5 en même temps, bien droite. Et pour me remercier, il me donnait 1 ou 2 cigarettes. Quelquefois, c'était juste un reste de tabac trop sec qu'il n'utilisait pas. Alors je le gardais pour moi. C'était mon petit pactole. J'avais mon petit secret révélé par mon grand-père. Il suffisait de mettre quelques pelures d'orange ou un petit quartier de pomme enroulé dans un papier de toilette, dans le même pot de tabac, et le lendemain, le tout était à la bonne humidité. Je me suis gardé ce secret pour moi, je n'étais quand même pas pour le dire au beau-frère. Au contraire, quelquefois, je disais « ce tabac-là est trop sec, tes cigarettes vont se fumer trop vite ». Il fallait être très attentif pour faire les cigarettes. Trop de tabac dans la rouleuse, et les cigarettes étaient trop dures à fumer, pas assez, et elles se consumaient trop vite. Ce matin, souvenir m'est revenu d'un coup, comme une bouffée de fumée oubliée. Père en fils, l'héritage du geste, mon père, n'était pas un homme de grand discours, mais ses mains racontaient des histoires qu'aucun livre n'aurait su mieux écrire. Dans son atelier d'ébénisterie et de forge, il transformait le bois, le métal et même les idées en objets utiles et solides. Il bâtissait des maisons, ferrait des chevaux, réparait tout ce qui pouvait encore servir. Il n'avait pas besoin de plans compliqués. Il visualisait, il mesurait avec l'œil et il fabriquait. C'était un créateur instinctif. Sans le savoir, il a planté en moi les graines de l'ingéniosité. J'ai grandi entouré du bruit des machines, de l'odeur du bois brûlé et du fer chauffé au rouge. Moi, je l'observais. Il ne m'a jamais dit « fais comme moi », mais il m'a tout montré par l'exemple. Sa débrouillardise, sa capacité à inventer des solutions avec les moyens du bord, son respect du travail bien fait, tout ça est devenu ma fondation. Plus tard, j'ai suivi une voie qui, en apparence, semblait différente. La fabrication de machines industrielles, complexes, modernes. Mais au fond, c'était la même logique, le même élan. J'ai continué ce qu'il avait commencé, mais avec les outils de mon temps. Comme lui, je ne savais pas dessiner, mais je savais concevoir. Comme lui, je faisais parler les matériaux. Ce que mon père avait fait avec des charnières, des enclumes et des clous, je l'ai fait avec des moteurs, des vérins, des bouts de fer et des automates. C'était lui à travers moi. Quand je terminais une machine, quand je la voyais fonctionner pour la première fois, je pensais souvent à lui. Je me disais qu'il aurait compris ce que j'avais fait. Il aurait souri en coin, sans rien dire. Mais dans ses yeux, j'aurais vu qu'il était fier. Parce qu'au fond, lui et moi, on parlait la même langue, celle des bâtisseurs. Il aurait été moins fier de moi s'il avait su la suite de ce chapitre. J'étais jeune, 10 ou 11 ans, peut-être quand mon père m'avait emmené chez le boucher Gérard Goulet. Un homme respecté dans le coin, un pilier du village. Mais ce jour-là, j'ai compris qu'il ne vendait pas que de la viande. Mon père, lui, d'apparence droite et travaillant, fumait des longues poles mâles sans filtre. Pas celle du magasin, non. Celle-là, c'était de la contrebande. Des américaines bien cachées. Il en achetait 10, 12 cartons à la fois. Il sortait de la boucherie avec les cartons de cigarettes rouges, bien rangé dans une boîte de carton sur laquelle il était écrit. 2 rôtis de porc, 1 rôti de bœuf et 10 livres de viande hachée. Mais moi, j'étais pas dupe. Je suivais toute l'opération clandestine. Le ballet silencieux orchestré sans mots. En revenant à la boutique, il entrait directement avec la boîte. Et là, comme par magie, en la vidant dans un coffre, c'était des cartons rouges qui en sortaient, ronds et rectangulaires avec écrit dessus. Pas le mal. Mon père devait penser qu'il était seul et que personne ne le voyait faire. J'avais tout compris. C'était des cigarettes toutes faites, prêtes à fumer, et il les planquait dans un vieux coffre, sous l'établi, près du feu de forge. Ce coffre, je l'ai encore aujourd'hui. Un coffre en bois qu'il s'était fait lui-même, pour aller dans les chantiers forestiers, avec tout ce qu'il lui fallait pour la saison. J'apprendrai plus tard que dans les années 60, au Québec, la contrebande de cigarettes faisait partie du décor. On voyait passer des caisses dans les coffres d'auto, des paquets vendus sous le manteau, des regards entendus, des silences lourds de secrets bien partagés. Et parmi toutes les marques, c'est la Pall Mall qui trônait. Longue, élégante, rouge foncé avec ses lettres dorées. Une allure noble, presque aristocratique. Au début, dépendant de la forme du paquet, de la façon qu'on l'ouvrait. Je ne pouvais pas en prendre une. Pas tant qu'il était neuf. Elles étaient trop visibles, toutes serrées, bien droites. C'était comme si elles me regardaient. Quand elles ne me voyaient plus, je pouvais procéder à l'opération. Mais dès qu'il en manquait quelques-unes, dès qu'on voyait plus les bouts dépassés, je m'en permettais une. Pas tous les jours. Juste quand je sentais que personne ne le saurait et que j'en avais l'occasion. Un peu plus tard, j'ai pris un paquet. Pas dans un carton neuf, ni dans un presque vide, le milieu du carton, c'était l'idéal. Là, ça me démangeait. Je ne savais pas encore, mais j'étais en train de me former une petite bandit tranquille. Puis encore plus tard, quand j'ai eu assez de nerfs et assez de confiance, j'ai fini par en piquer un carton complet. Pas quand la réserve était vide, non. Je le faisais dès le nouvel arrivage. Et bien sûr, j'ai toussé comme un perdu sur mes premières bouffées. Mais j'ai rien dit. J'ai gardé ça pour moi. Parce que faut pas insulter la royauté. Surtout quand c'est toi qui l'as piqué. Mea culpa, Max Mokon. Pas ma faute, c'est de ma très grande faute. Amen. Mon père achetait les paquets de Juicy fruits dans une boîte complète. De longues gommes minces, il y en avait 5 par paquet. Il fallait compter là aussi. On pouvait pas en prendre dans un paquet neuf évidemment. On ne pouvait pas prendre la dernière palette dans la boîte non plus. Ça demandait une attention constante, ces différentes occupations. Et puis, il n'y avait pas juste les petits paquets de Juicy fruits. Je me souviens aussi des grands paquets de gomme avec une plaque unique, toute droite, de la grandeur d'une carte de hockey ou de baseball. Un vrai carton de gomme. On devait la casser en deux pour la partager, ou la mâcher très longtemps jusqu'à temps qu'elle ramollisse la gueule pleine, mâcher jusqu'à en avoir mal aux oreilles. Elle collait un peu au palais, mais elle durait longtemps, celle-là. Et elle avait un goût fort, un goût franc, comme les bonbons d'homme, pas pour les douillets. Et elle collait aussi très bien en dessous de ta chaise à la maison ou à l'école. Et pour éviter les vols de gomme, le dessous du pupitre était très bien aussi. Les usagers attendaient patiemment, sans bouger, le retour du mâcheur. Il y avait aussi les grosses boules de gomme qu'on appelait pas parfois des crocs, ou même des casse-gueules, selon qui en parlait. C'était gros comme une balle de ping-pong. On en trouvait dans des machines à 1 cent ou à 2 cents. On mettait la pièce, on tournait la poignée, puis toc. La boule tombait dans le petit compartiment en métal. Rouge, jaune, bleu, c'était comme une surprise à chaque fois. Ces boules-là, fallait avoir une bonne mâchoire. Le premier coup de dent, ça résistait. Mais une fois qu'on l'avait cassé, on en avait pour un bon bout de temps. Ça colorait la langue, ça faisait du bruit quand on mâchait trop fort. Mais bon sang que c'était bon. Quand on a vidé la boutique de mon père, juste avant de la démolir, on est tombé sur toutes sortes de choses. Des vieilles pinces, des boulons rouillés, des planches fendues. Et, bien cachées derrière un madrier, quelques petits 10 onces de jun, vides ou presque. Et oui, quelques-unes avaient un restant dedans. C'était des bouteilles de Cuper. Le format parfait pour glisser dans une poche de salopette ou dans le manteau en plein hiver. Ça goûtait un peu fort comparé à la bière. C'était très bien conservé encore. Dans ce temps-là, une bouteille de 10 onces, ça coûtait à peine 1,25 $. Juste assez pour se réchauffer sans trop se ruiner. Et souvent, c'était partagé entre 2 ou 3 gars, à la pause, en douce, entre un clou et une planche. Je ne saurais jamais si c'est à lui ou à un client qu'il avait oublié là. Mais ces petits 10 onces vides, c'était comme un écho du passé. Il goûtait bon et sentait encore un peu le bon jean. mais il n'y avait pas que la cigarette. Mon grand-père, qui habitait à 3 maisons de chez moi, venait rendre visite à mon père presque tous les jours. Il s'installait dans la boutique avec d'autres vieux du village. Et là, ça jasait, et surtout ça fumait la pipe. Moi, je trouvais que ça sentait bon. Une odeur chaude, enveloppante, un parfum d'homme tranquille. Quand j'allais chez mon grand-père, je n'oubliais jamais mon papier à rouler. Il me permettait de me servir dans sa tabatière. Je pigeais une bonne pincée de tabac à pipe et je me roulais ma cigarette, tout fier. J'adorais ça ce temps-là. Le calme, la confiance, les odeurs de pipe et le sentiment d'être déjà presque un homme au milieu de ceux que j'admirais. J'aimais beaucoup mon grand-père. Il me faisait rêver. Il m'a toujours promis qu'un jour, il m'achèterait un poney. Et souvent, quand on allait à Saint-Tite, on passait voir à la gare, à l'arrivée du train, si mon poney était enfin arrivé. J'y croyais, de tout mon cœur d'enfant. Malheureusement, c'était des mensonges. Je n'ai jamais eu de poney dans ma vie. Mais lui, il se faisait plaisir avec ça. Et moi, ça m'entretenait mes rêves. J'ai un souvenir très triste concernant mon grand-père. Mon père est décédé en janvier 1962. C'était l'aîné de la famille. Après son décès, j'ai vu mon grand-père tout démoli d'avoir perdu son fils. J'allais le visiter souvent. Il avait toujours les yeux mouillés. Et je pouvais ressentir sa peine. Il avait le regard éteint et toujours en regardant droit devant, où il voyait bien la façade de l'église. Il est décédé environ 1 mois et demi après mon père. J'avais vu mon père décédé de la maladie, mais mon grand-père, je l'ai vu mourir de peine. Cette même année, j'ai perdu mes deux grands-mères et ma tante Isabelle, qui était la sœur de mon père. Curieusement, je suis le seul sur 15 enfants à avoir vu mourir le père et la mère. Revenons au tabac. Même dans le temps, c'était permis de faire pousser ton propre tabac à pipe, mais c'était interdit d'en vendre et de charger de l'argent pour le couper. Mon père, toujours ingénieux, avait fabriqué une coupeuse à tabac à pipe, rien que pour les vieux du village. Bien sûr, il faisait fonctionner la coupeuse en dehors des heures d'ouverture de sa boutique, et il y en avait un qui surveillait dans la cour pour avertir si un intrus arrivait par hasard. Et aussi mon père avait peur que la police arrive à cause d'une dénonciation d'un jaloux ou d'un malicieux. Mon père avait le droit d'en couper des petites quantités seulement et gratuitement. Une sorte de machine qu'il avait patentée lui-même, avec un banc intégré. On pouvait s'y asseoir confortablement et couper le tabac tranquillement. Quand le tabac était tout coupé à l'automne, il démontait la machine pièce par pièce. Et il allait la cacher soigneusement dans le haut de la boutique. Il la glissait dans le brin de scie, dans une structure qui servait aussi à isoler le deuxième étage. C'était son petit secret. Personne ne touchait à ça. Moi, je le savais. Et un peu plus vieux, il me permettait d'opérer la machine. Pas tout seul, évidemment. C'était une fierté pour moi. Je me sentais utile. Et puis les années ont passé. Mon père est tombé malade. Il voyait venir sa mort doucement. Et je me souviens qu'avec ma mère, il passait chaque item de la boutique, un à un, en discutant de la personne à qui il pourrait le vendre, et à quel prix. Il y avait des piles de factures sur la table de la cuisine. Il préparait son départ avec soin, dans les moindres détails. Quand il est décédé, ma mère savait exactement quoi faire, à qui vendre quoi et combien. Mon père avait tout prévu, tout organisé. C'était sa manière à lui de rester debout jusqu'au bout. Et après, nous avons fait notre part à notre façon. Avec cœur, surtout moi qui a toujours aimé tout démolir. Avec le cœur d'un enfant de 16 ans qui passe à autre chose. Mon frère et moi, afin de sauver un peu de taxes, la famille avait pris une décision qu'on trouvait logique à l'époque. À l'aide d'un camion remorque emprunté chez Yvon Ayotte, on a tout démoli. Sa boutique, son atelier, son univers. Tout ce qui restait de lui terminait en morceaux. Il n'y avait personne pour prendre la relève. On croyait faire ça pour des raisons pratiques. Mais en dedans, sans le dire, c'était aussi un adieu. Avec le recul, c'était une décision insensée, mais pour épargner quelques dizaines de dollars par mois, c'était nécessaire vu que ma mère était devenue une mère nécessiteuse. En 1962, ma mère est devenue veuve avec 15 enfants, dont 8 encore à la maison à l'âge de 51 ans. Moi, j'avais presque 15 ans. Et dans ce temps-là, il n'y avait à peu près aucune aide pour une femme dans sa situation. Pas de pension de veuve, pas d'aide sociale, pas d'assurance d'État. Rien, sauf les allocations familiales, une soixantaine de dollars par mois, pour faire vivre toute une maisonnée. Mais dans notre région, il y avait une forme d'assurance vie communautaire. À chaque décès, chaque assuré devait envoyer un dollar dans une enveloppe et la mettre à la poste. Et quand c'était leur tour de partir, la famille recevait 1 000 dollars. Ça arrivait souvent, plusieurs fois par année. C'était une loto de l'assurance vie. Si tu étais un des premiers à partir dans le groupe de 1 000, tu ne payais plus tes primes, évidemment. Mais lorsque tu étais parmi les derniers à partir, tu avais versé presque 1 000 dollars en primes. Maman, même dans sa pauvreté, donnait toujours son dollar quand quelqu'un mourait. Elle trouvait ça normal. C'était une question de respect, de solidarité. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle le faisait quand même. Et quand notre père est décédé, c'est ce petit fonds-là qui a permis de lui faire des funérailles dignes. Le reste, elle l'a porté seule, pas de soutien, pas de répit. Seulement sa foi, sa volonté et l'amour de ses enfants. Elle nous a tenus ensemble avec rien, rien sauf son courage. Et l'aide apportée de la part des frères et sœurs qui travaillaient à l'extérieur désormais. Ce sont eux qui nous ont appris la générosité. En 1962, mon petit frère avait 8 ans. Un petit garçon tranquille, curieux, les yeux pleins de questions. Cette année-là, la mort de papa est venue tout chambouler. Maman, avec 15 enfants, dont 7 ou 8 encore à la maison, faisait tout ce qu'elle pouvait pour garder le bateau à flot. Mais un jour, le maire Louis Lafrance est passé. Il parlait d'aider afin de soulager un peu la veuve. Il proposait en tant que maire d'envoyer le petit dernier à l'orphelinat de Trois-Rivières pendant les jours de semaine. Il l'a fait placer à l'orphelinat de Trois-Rivières. On lui avait dit que c'était temporaire, que c'était pour le soulager, pour lui donner une chance d'avoir un lit chaud, 3 repas par jour. Mais lui, il n'a jamais compris. Jamais. Pourquoi moi ? Qu'il s'est toujours demandé. Il m'a parlé de cette période pour la première fois dans les années 2000, alors que ce souvenir était oublié de ma part, mais pas pour lui. Pourquoi moi, pendant qu'il y avait 14 frères et sœurs, et maman à la maison, il ne comprenait pas. Il m'a semblé qu'il avait un peu de rancune envers le généreux maire. Le maire faisait lui son simple travail en tant que maire. Le village entier savait ce que peut vivre une veuve dans une telle situation. J'avais presque 15 ans et lui en avait 8. Il revenait à la maison les fins de semaine. Il riait un peu, mais il avait déjà changé. Il s'était durci, il s'était refermé. Et plus tard, certains dans la famille ont cru que c'était lui qui avait coupé les ponts. Mais ce n'est pas lui qui s'était éloigné de ses frères et sœurs. Dans sa tête d'enfant, c'était la famille entière qu'il a laissé partir. Et là-bas, à l'orphelinat, ce n'était pas les vacances. Il détestait les corvées. Il fallait laver les toilettes à la brosse, à tour de rôle, avec des petits gars qu'il ne connaissait même pas. Il s'est mis à haïr l'odeur du savon fort, des planchers mouillés. Et surtout, surtout, le gruau. Pas celui de ta mère fait avec soin. Oh, celui qui cuit trop vite, tout plein de moutons, servit tiède à même le bol d'aluminium. Le genre de grisaille farineuse qui reste collée dans la gorge. Il ne pouvait pas le sentir, et je te jure que même rendu adulte, jamais il n'a pu remanger du gruau. Même si c'était bien fait, même si c'était une bonne cuisinière. Juste à voir ça, ça goûte l'orphelinat, qu'il disait. C'était son blocage, son souvenir figé dans le gras et la misère. Il y a 3 réponses possibles à une prière, peu importe à qui, à Dieu, Dieu, au pape, à Bouddha, au ciel ou à l'univers. Ah oui. Ton souhait se réalise. 2 non. Pas tout de suite. 3, j'ai d'autres projets pour toi. C'est à penser que notre trajet de vie a été tracé par un idiot incapable de faire une belle ligne droite et en faisant des zigzags constamment avec son crayon. Nous pensions aller de la ligne à la ligne B, en ligne droite. On ne sait jamais où la vie va nous amener, comme le fou avec son crayon de cire. Va là où je te pousse. Avec le recul, on s'aperçoit que tout ce qui est arrivé dans nos vies arrivait toujours à notre satisfaction sans qu'on le sache vraiment encore. C'est ce dont on avait besoin exactement au bon moment. Cependant, on ne le réalise que quelques années plus tard seulement. On pensait être rendu là demain, mais où on sera demain, personne ne peut le savoir avec certitude ni le promettre.